Selon Spinoza, nous sommes donc mus par notre désir, c'est-à-dire notre tendance à déployer notre puissance d'agir et de penser. Ce désir s'oriente vers des choses dont nous avons l'impression qu'elles vont s'accompagner d'une augmentation de notre puissance. Et pourquoi ? Parce que ça dépend de la façon dont ces choses nous affectent ou nous ont affectés par le passé. Le problème étant que nous ne connaissons pas réellement les multiples façons dont notre corps est affecté ou peut l'être. Nous ne savons pas tout ce que les choses peuvent causer en nous et tout ce qui se passe en nous. Et donc ça, c'est ce que Spinoza va souligner à la proposition 2 de la partie 3 de son ouvrage L'Éthique, consacré à l'origine de nos affections. Nous allons lire le passage et je vais l'expliquer de façon progressive. Spinoza commence en déclarant « Personne, il est vrai, n'a jusqu'à présent déterminé ce que peut le corps. » C'est-à-dire, l'expérience n'a enseigné à personne jusqu'à présent ce que, par les seules lois de la nature, considérées en tant que corporelles, le corps peut faire et ce qu'il ne peut pas faire à moins d'être déterminé par l'âme. Donc là, autrement dit, les états du corps, qui ne sont pas le résultat d'un état de conscience, échappent à cette même conscience. De multiples processus se déroulent en nous sans que nous nous en rendions compte. Mais ces processus qui se déroulent en nous en fonction de ce que les lois de la nature autorisent, il nous dit, c'est ça, il nous dit, cette nature dont nous faisons partie, elle fonctionne selon des lois, ce n'est pas, ça ne fonctionne pas au hasard, mais cette nature est tellement complexe, y compris la nature de notre propre corps, elle est tellement complexe que nous ne saisissons pas tous les processus qui s'y déroulent, nous n'en percevons qu'une partie, ceux dont nous avons l'impression qu'ils proviennent de notre âme, c'est-à-dire que nous avons l'impression de décider consciemment. Voilà, quand je bouge le bras, j'ai bien l'impression d'agir par une libre décision, mais pour autant, ça ne veut pas dire que je sais exactement tout ce qui s'est passé, tout le processus qui s'est déroulé dans mon organisme, le signal nerveux qui a été transmis entre mon cerveau et ma main pour la faire bouger. Bon, évidemment, je n'ai pas conscience de tous ces éléments. Et donc, il y a une grande partie de ce qui se passe dans mon corps qui m'échappe. Alors, reprenons la lecture. Personne, en effet, ne connaît si exactement la structure du corps qu'il ait pu en expliquer toutes les fonctions. Pour ne rien dire ici, de ce que l'on observe maintes fois dans les bêtes, qui dépasse de beaucoup la sagacité humaine, et de ce que font très souvent les somnambules pendant le sommeil, qu'ils n'oseraient pas pendant la veille, et cela montre assez que le corps peut, par les seules lois de sa nature, beaucoup de choses qui causent à son âme de l'étonnement. Donc là, Spinoza nous dit, on peut bien constater, il y a des exemples, voilà, si on observe le comportement animal, si on observe le comportement d'une personne qui agit alors même qu'elle est inconsciente, voilà, le somnambule, on voit bien que le corps fait des choses totalement en dehors du contrôle de l'âme consciente, de l'esprit conscient, et donc on voit bien que le corps a ses propres facultés, mais ces facultés qui nous échappent d'une certaine façon. Spinoza ajoute, nul ne sait en outre en quelles conditions ou par quels moyens l'âme meut le corps, ni combien de degrés de mouvement elle peut lui imprimer, et avec quelle vitesse elle peut le mouvoir. Alors là, il faut voir, pour Spinoza, c'est aussi une critique adressée à Descartes. On se souvient que la position de Descartes, c'est l'idée que le corps et l'âme sont deux réalités distinctes, mais qui communiquent, qui interagissent. Mais Descartes a un peu de mal à expliquer comment est-ce qu'ils interagissent exactement. Il dit pour lui, il y a une glande au milieu du cerveau, qui est la glande pinéale, qui permet au cerveau l'interaction entre de réaliser l'interaction entre l'âme et le corps. Et donc, le corps envoie des informations à l'âme, l'âme envoie des ordres au corps, et donc il y a cette interaction. Mais ce que souligne Spinoza, c'est qu'en fait, on ne sait pas bien comment ça marche. On ne sait pas exactement ce qu'est l'âme, ce qu'est le corps, mais on ne sait pas très bien comment est-ce qu'ils interagissent l'un avec l'autre. Enfin, ça, c'est bien ce que nous dit Spinoza. D'où suit que les hommes, quand ils disent que telle ou telle action du corps vient de l'âme, qui a un empire sur le corps, ne savent pas ce qu'ils disent, et ne font rien d'autre qu'avouer en un langage spécieux leur ignorance de la vraie cause d'une action qui n'excite pas en eux d'étonnement. Donc là, Spinoza nous dit, nous ignorons la plupart du temps le fonctionnement de notre organisme, mais aussi celui des autres organismes, des autres êtres, puisqu'il est parlé des animaux. Notre tendance spontanée, c'est d'attribuer une intention consciente et volontaire aux êtres pour expliquer leur comportement. Voilà, quand je vois quelqu'un agir, ben je me dis, bah, oui, il a décidé d'agir. Moi, quand j'agis, ben je me dis, oui, c'est juste parce que, en conscience, j'ai pris telle ou telle décision. Nous voulons croire que nous sommes libres et responsables de nos actions, mais en réalité, nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui fait agir les corps, ce qui fait agir les êtres de telle ou telle façon, parce qu'en fait, le fonctionnement des corps nous échappe. Il est tellement complexe que tout ceci n'apparaît pas à la conscience. Ce que dit Spinoza ensuite, certes, les affaires des hommes seraient en bien meilleur point s'il était également au pouvoir des hommes tant de se taire que de parler. Mais l'expérience l'a montré surabondamment, rien n'est moins au pouvoir des hommes que de tenir leur langue, et il n'est rien qu'ils puissent moins faire que de gouverner leurs appétits. Donc Spinoza nous dit que les hommes prétendent expliquer des phénomènes auxquels en fait ils ne comprennent rien. Les hommes parlent, ils disent des choses, ils donnent leur opinion, mais en fait, il ferait mieux de se taire, parce qu'ils ne comprennent rien à tout ce qui se passe. Comme dit Wittgenstein, sur ce dont on ne peut parler, il faut se taire. Voilà, il y a des choses qui échappent à ce que le discours peut énoncer, et donc on ferait mieux de ne pas essayer d'en parler, mais les hommes, eux, ne peuvent s'empêcher de donner leur opinion, alors qu'en fait, celle-ci n'a aucun fondement. Et en fait, qu'est-ce que c'est que cette opinion, qu'est-ce que c'est que ce discours que les hommes tiennent à propos des actions? Ben, en fait, c'est simplement la manifestation de leur besoin de trouver une explication au phénomène et de réaffirmer leur propre croyance en leur capacité de comprendre et contrôler leur corps. Mais en fait, les prises de parole, voilà, quand je dis bah oui, je bouge le bras, c'est parce que je l'ai décidé, voilà, c'est un énoncé que je prononce, ben, en fait, comme n'importe quelle action, c'est en fait l'effet des appétits. Hein, les appétits, ce sont les désirs inconscients, hein, c'est-à-dire les désirs qui... les impulsions du corps qui le déterminent à agir de telle ou telle façon, mais dont il n'a pas forcément conscience. Et c'est pourquoi la plupart croient que notre liberté d'action existe seulement à l'égard des choses où nous tendons légèrement, parce que l'appétit peut en être aisément contraint par le souvenir de quelque autre chose fréquemment rappelée, tandis que nous ne sommes pas du tout libres quand il s'agit de choses auxquelles nous tendons avec une affection vive que le souvenir d'une autre chose ne peut apaiser. Que veut dire Spinoza ? Nous avons l'impression d'être libres, d'agir librement, de contrôler nos actions, quand nous résistons à une impulsion ressentie. Voilà, par exemple, je désire manger un plat gras et sucré, ou je désire boire beaucoup d'alcool, mais finalement, je décide de ne pas le faire. Voilà. Ça, j'ai l'impression d'avoir agi librement. J'ai dit, on m'a proposé, on dit, ah, tu veux pas goûter ou bois un verre avec nous. J'ai dit, ah non, non, non, je ne le fais pas. J'ai l'impression d'agir librement. Mais en réalité, si je ne l'ai pas fait, si j'ai pas bu ou mangé, c'est parce que le souvenir du mal-être ressenti après avoir trop mangé ou trop bu a été plus fort que le souvenir du plaisir qui suivait ces actions. Donc en fait, c'est un affect qui a contrebalancé un autre affect. C'est l'affect, l'envie de boire ou de manger avec excès, qui a été finalement contrebalancé par un affect plus puissant. Le souvenir, par exemple, du mal de ventre qui suivait les excès. Et c'est pas du tout une décision. Hein, mais j'ai l'impression d'avoir agi librement. J'ai l'impression d'avoir agi librement, alors qu'en fait, c'est plutôt une espèce de mécanisme dans mon esprit qui est dans mon corps, en fait. Oui, puisqu'il y a un parallélisme entre ce qui se passe dans l'esprit et ce qui se passe dans le corps, pour Spinoza. Donc c'est ce mécanisme qui a résulté dans le fait de ne pas boire, on ne peut pas manger avec excès, mais j'ai l'impression d'avoir agi librement. Et cette impression de liberté, elle n'apparaît pas lorsque nous sommes incapables de résister à un appétit. Voilà, il y a des moments où, effectivement, on ne résiste pas, on se laisse aller à notre désir, bon, et on a l'impression, là, cette fois, notre volonté a été faible, ça c'est l'impression que nous avons. Mais en fait, c'est exactement le même processus qui a eu lieu, selon Spinoza, c'est exactement le même mécanisme, seulement dans ce cas-là, c'est l'affect qui nous incite à agir, voilà, le désir de manger ou boire avec excès, qui a été finalement plus puissant que l'affect contraire, nous incitant à ne pas agir. Donc par exemple, le souvenir que ça fait mal au ventre de trop boire ou manger. Donc là, Spinoza reprend, s'il ne savait d'expérience cependant que maintes fois nous regrettons nos actions et que souvent, quand nous sommes dominés par des affections contraires, nous voyons le meilleur et faisons le pire, rien ne les empêcherait de croire que toutes nos actions sont libres. Donc ici, Spinoza, il retrouve un peu ce problème de l'akrasia, hein, la faiblesse de la volonté, discutée par Platon et Aristote. Mais Spinoza nous dit que finalement, l'idée que la volonté n'est pas faible, ou qu'elle est faible à certains moments, bon, c'est pas ça le problème. Hein, on a l'impression qu'il y a des moments où nous sommes faibles, que notre volonté ne s'affirme pas contre nos désirs. Mais en fait, tout simplement, la volonté, c'est une illusion. C'est ça la solution de Spinoza. C'est-à-dire, on croit qu'on est libre et qu'à certains moments, nous ne sommes pas assez déterminés, nous nous laissons aller, voilà, nous sommes fragiles. Voilà, ça, c'est une expression qu'on entend beaucoup de nos jours. C'est-à-dire, certains sont fragiles, ils ne savent pas résister à leurs émotions. En fait, tout ça, nous dit Spinoza, tout ça, c'est une illusion. Il n'y a pas des gens qui sont faibles, il n'y a pas des moments où on est faible et puis des moments où on est fort. Non, en fait, c'est simplement des mécanismes d'une certaine façon, voilà, on peut voir ça un petit peu comme des mécanismes. Il y a des affects plus ou moins puissants qui agissent en nous, dans telle ou telle direction, il y a des moments, certains affects sont plus puissants que d'autres, et c'est ça qui nous détermine à agir. C'est ce qu'exprime Spinoza en donnant plusieurs exemples. C'est ainsi qu'un petit enfant croit librement à péter le lait, un jeune garçon en colère vouloir la vengeance, un peureux la fuite. Un homme en état d'ébriété aussi croit dire, par un libre décret de l'âme, ce que sorti de cet état il voudrait avoir tué. De même le délirant, la bavarde, l'enfant et un très grand nombre d'individus de même farine croient parler par un libre décret de l'âme, alors cependant qu'ils ne peuvent contenir l'impulsion qu'ils ont à parler. Donc Spinoza ici nous donne plusieurs exemples de personnes qui ont l'impression sur le moment d'agir ou de parler librement, mais l'analyse nous montre que bien que ce n'est pas le cas, hein, elles ont agi en fonction de divers affects, dont rétrospectivement elles ont dit « Ah bah oui, je me suis laissé aller », mais en fait non, en fait tout le temps nous agissons en fonction de nos affects, même quand nous avons l'impression d'agir librement, eh bien en fait c'était aussi des affects qui nous poussaient à agir de cette façon-là. Conclusion du passage, l'expérience nous fait donc voir aussi clairement que la raison, que les hommes se croient libres pour cette seule cause qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par où ils sont déterminés. Et en outre, que les décrets de l'âme ne sont rien d'autre que les appétits eux-mêmes et varient en conséquence selon la disposition variable du corps. Chacun en effet gouverne tout suivant son affection et ceux qui de plus sont dominés par des affections contraires ne savent pas ce qu'ils veulent. Pour ceux qui sont sans affection, ils sont poussés d'un côté ou de l'autre par le plus léger motif. Donc c'est bien en fait les affections, donc la façon dont notre corps réagit aux causes extérieures qui déterminent notre action. Spinoza cherche ainsi à montrer que la volonté ou le libre arbitre ne sont que des illusions. Nous croyons librement décider d'agir de telle ou telle manière parce que la plupart du temps nous ignorons les causes qui nous déterminent à nous décider de cette façon-là. Ce que nous appelons volonté, c'est simplement l'impression rétrospective d'avoir pris une décision alors que nous ne faisions que suivre notre désir. Mais en fait, le désir lui-même, qu'est-ce que c'est ? Ben en fait, c'est la conscience d'un certain appétit, c'est-à-dire d'une tendance qui va se fixer sur telle ou telle chose. Alors on peut le citer Spinoza, qui définit ainsi le désir, qui va essayer de distinguer désir et appétit. Nous avons dit plus haut que le désir est l'appétit avec conscience de lui-même, et que l'appétit est l'essence même de l'homme, en tant qu'elle est déterminée à faire les choses servant à sa conservation. Mais j'ai fait observer que je ne reconnais en réalité aucune différence entre l'appétit de l'homme et le désir. Que l'homme ait, en effet, ou n'ait pas conscience de son appétit, cet appétit n'en demeure pas moins le même. Voilà, peu importe qu'on ait conscience d'être attiré par une chose ou qu'on soit attiré par une chose sans nous en rendre compte, c'est exactement la même chose. La conscience, finalement, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un épiphénomène. Ça se rajoute au mécanisme, mais sans rien y changer. La tendance du corps, elle est ce qu'elle est, et puis parfois on en a conscience, parfois on en a conscience, mais ça ne change rien. Notre conscience ne modifie pas notre désir, notre appétit. Ainsi, pour ne pas avoir l'air de faire une tautologie, je n'ai pas voulu expliquer le désir par l'appétit, mais je me suis appliqué à le définir de façon à y comprendre tous les efforts de la nature humaine que nous désignons par les mots d'appétit, de volonté, de désir ou d'impulsion. Donc il nous dit tout ça, c'est la même chose en fait. Qu'on ait un appétit Donc une tendance à aller vers quelque chose, voilà, j'ai une espèce d'envie irrésistible de manger du chocolat, du gâteau au chocolat, ou la volonté. J'ai l'impression de décider, bah oui, je fais un choix libre d'aller à la boulangerie m'acheter un gâteau au chocolat ou d'acheter du chocolat, des œufs et de la farine pour me faire un gâteau. Bah, j'ai l'impression d'agir librement, mais en fait, tout ça, c'est la même chose. C'est juste une tendance à être, une tendance à faire des choses. J'entends donc, nous dit Spinoza, par le mot désir, tous les efforts, impulsions, appétits et volitions de l'homme, lesquels varient suivant les dispositions variables d'un même homme, et s'opposent si bien les uns aux autres que l'homme est traîné en divers sens et ne sait pas où se tourner. Donc là, il nous dit bien, tous ces tendances du corps, ces tendances de l'être à faire et dire des choses, en fait, ça naît d'impulsions du corps, qui sont, qu'on en ait conscience ou pas, et qui nous oriente un peu, qui nous sommes ballottés un peu comme un fétu de paille, sans avoir vraiment un contrôle là-dessus. En fait, nous n'avons pas décrété hein, cet appétit. C'est l'appétit qui s'impose à nous, sans que l'on sache pourquoi, hein, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui détermine nos appétits, ça nous échappe. Donc la volonté, elle est elle-même déterminée, hein, c'est ce que dit Spinoza à la partie 2, proposition 48 de l'éthique. Il n'y a dans l'âme aucune volonté absolue ou libre, mais l'âme est déterminée à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et cette autre l'est à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. Donc on retrouve bien cette idée que chaque individu est inséré dans la nature. Donc la nature, c'est vraiment la totalité des choses qui existent, hein. Ça inclut aussi les constructions sociales, hein. Il nous dit même la société humaine fait partie de la nature, il n'y a pas de. Pour Spinoza, il n'y a pas vraiment de séparation entre nature et société. La société, elle se construit au sein de la nature et elle est déterminée aussi par les mêmes lois que les mêmes lois de la nature, d'une certaine façon. Donc nous sommes insérés dans cette nature qui nous dépasse et il y a de multiples forces qui s'exercent sur l'individu, souvent sans qu'il s'en aperçoive et qui vont orienter ses prises de décision de telle ou telle façon. Et en fait, ce que j'appelle une décision, simplement, la prise de conscience d'être orienté, d'être mu dans une certaine direction. Donc nos actions ne résultent donc pas tant de libres décisions de la volonté que du désir qui nous meut en fonction de causes extérieures que nous ne contrôlons pas. Voilà, par exemple, pourquoi est-ce que je désire faire telle chose? Ben, c'est peut-être parce que j'ai perçu la publicité dans la rue, c'est peut-être parce que des gens m'en ont parlé, voilà, ça a créé une envie en moi qui me pousse à aller vers cette chose, à aller vers le magasin, acheter tel ou tel bien, j'ai l'impression d'agir librement, mais en fait, non, c'est simplement que des influences m'ont poussé à le faire. C'est en ce sens que Spinoza, dans la lettre à Schuller, donc, qui est une personne avec qui il interagissait, il essayait d'expliquer ses idées, il compare l'homme à une pierre qui dévale une pente, alors, elle peut avoir été poussée par quelqu'un, et cette pierre, elle prendrait conscience d'elle-même, et elle se mettra à croire qu'elle est à l'origine de son propre mouvement. Donc, il décrit d'abord le mouvement d'une pierre, la pierre dévale la pente. Ce mouvement, c'est bien l'effet d'une cause antérieure, par exemple, quelqu'un a donné un coup de pied à la pierre, puis il imagine que cette pierre, elle se met à prendre conscience d'elle-même, se met à dire, ah ben ça y est, je suis en train de bouger, je roule. Et ben, cette pierre, elle aurait l'impression d'agir librement, elle aurait l'impression d'avoir décidé de se mouvoir. Et ben en fait, il nous dit, avec cette petite expérience de pensée, il nous dit, mais nous sommes pareils que la pierre. Nous agissons, hein, nous faisons des choses, hein, nous allons au magasin acheter telle chose, nous décidons de faire tel choix d'études, de faire tel métier, d'aller à tel concert, de nous marier avec telle personne. Nous avons l'impression que tous ces choix, mais en fait, que ce soit des choix un peu minimes ou des choix très, très engageants pour notre vie, nous avons l'impression que ces choix, ils sont complètement contrôlés, mais en fait, nous ne savons pas pourquoi nous avons fait tel ou tel choix. Nous avons l'impression d'être la cause de nos actions, alors qu'en fait, il y a des causes qui nous ont déterminés à faire ces choses-là. Et ces causes-là, nous ne les percevons pas. Et donc, la conclusion que tire Spinoza, c'est que nous ne pouvons pas nous affranchir complètement de nos désirs, nous ne pouvons pas les dominer. Hein, il n'y a pas cette idée que la volonté pourrait résister à ses désirs. Il n'y a pas une volonté forte face à une volonté faible. Non, ça c'est complètement illusoire. Donc là, Spinoza, il cherche un petit peu aussi à s'opposer, par exemple, aux stoïciens. Donc, selon les stoïciens, l'homme ne pouvait être vraiment heureux que lorsque l'esprit se libérait du trouble créé par les désirs, et l'idée que la raison pouvait s'affirmer contre les désirs et s'ériger comme une espèce de citadelle intérieure. Voilà, je devenais un petit peu une résistance, je développais une résistance, et je ne me laissais pas dominer par mes désirs, par mes émotions. Mais selon Spinoza, c'est complètement illusoire, ça. Y a pas, cette idée qu'on pourrait construire une volonté forte qui résiste aux désirs, c'est une illusion. L'homme ne peut pas s'arracher à l'ordre des causes et des effets pour devenir, hein, je prends cette expression, comme un empire dans un empire. Je ne suis pas comme un petit empire dans l'empire de la nature. Je suis dans la nature, je suis soumis aux lois de la nature, quoi qu'il arrive. Donc je suis soumis aux influences du monde qui s'exercent sur moi. Et l'homme reste toujours guidé par son désir. Tout ce qui est en notre pouvoir, nous dit Spinoza, c'est d'augmenter notre connaissance de nous-mêmes et de notre connaissance de Dieu. Alors il nous dit, bon, alors, Dieu pour Spinoza, c'est la nature en fait. Il fait cette identification, il dit Dieu ou la nature. Dieu, c'est la totalité des choses qui existent, dont nous, hein, nous faisons partie de Dieu, car nous faisons partie de la nature. Et donc tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer de connaître cette nature, connaître son fonctionnement, connaître ses lois, connaître les lois de notre propre corps. Et donc ainsi, en connaissant les lois de la nature et les lois qui s'appliquent à nous, eh bien nous arriverons à connaître un peu mieux les causes qui nous déterminent. Nous arriverons à mieux connaître le fonctionnement des choses. Et donc, en connaissant les causes de mes désirs, j'en atténuerai le caractère passionnel. Je pourrais, d'une certaine façon, me réapproprier mon désir et ne plus être aussi soumis que je l'étais. Par exemple, si je comprends pourquoi est-ce que je suis attiré par tel ou tel bien de consommation, si je comprends que c'est parce qu'en fait, voilà, il y a telle et telle publicité auxquelles je suis sensible. Où je suis attiré, bah, par exemple, prenons les gens qui fument. Si la personne qui fume, elle apprend à comprendre pourquoi elle est attirée par la cigarette, voilà, ou telle drogue, hein. En fait, souvent on se rend compte, c'est pourquoi est-ce qu'on est attiré par telle drogue. Alors bien sûr, il y a des causes biologiques, hein. On a été accoutumé à la prendre, et notre corps s'est accoutumé à cette drogue, mais c'est aussi pour des raisons sociales, c'est parce que je fréquente telle et telle personne. Donc si j'arrive à comprendre les causes qui me déterminent à être attiré par telle ou telle chose, je vais pouvoir les mettre à distance d'une certaine façon et je vais pouvoir me réapproprier mon désir et peut-être le réorienter. Alors ils nous disent, c'est une tâche qui n'est jamais absolue, qui n'est jamais définitive, hein, je pourrais jamais exercer un contrôle total parce que je reste un être fini, limité, inséré dans la nature. Mais tout de même, voilà, en connaissant mieux la nature, je saurai de mieux en mieux ce qui cause en moi de la joie et ce qui cause de la tristesse. Et ça permettra de peut-être de modifier un peu mon désir. Et d'ailleurs, ce que souligne Spinoza, c'est qu'en acquérant des connaissances, eh bien en fait, ça provoque en nous du plaisir. C'est une source de joie d'acquérir des connaissances. Une cause de joie qui n'est jamais source de tristesse. Hein. Contrairement, par exemple, à l'acquisition de richesse, l'acquisition de réputation, de prestige. Voilà, bon, bah certes, c'est une cause de joie, mais souvent, c'est aussi une cause de tristesse. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que la richesse, peut-être que ça va créer en moi aussi des peurs de perdre ma richesse. Peut-être que ça va créer aussi du stress, parce qu'en fait, si je gagne de la richesse, c'est peut-être parce que je me suis mis à beaucoup plus travailler, donc je me suis privé d'autres plaisirs, et donc tout ça cause aussi en moi de la tristesse. La réputation, eh bien, je dépends beaucoup du regard des autres. Donc tout ça fait que ce sont des causes de joie, mais qui sont aussi souvent accompagnées de tristesse. Mais ce n'est pas du tout le cas de la connaissance. La connaissance, une fois qu'on l'a, bon, on la perd pas, à moins de perdre la mémoire, mais enfin, ça va pas nous rendre triste. La connaissance, elle est toujours partageable, elle n'est pas source de déception. Et donc, le fait d'acquérir des connaissances, ça va me donner encore plus envie d'acquérir des connaissances. Donc, mon désir va s'orienter encore plus vers la sagesse. Plus j'apprends, plus je désire apprendre, et plus je suis heureux. Et il nous dit, c'est donc vers ça qu'il faut s'orienter. C'est un peu par là que passe la liberté. La liberté, ce ne sera jamais le contrôle de notre existence, ce n'est pas le libre arbitre. Hein, faut pas espérer cette volonté qui s'affirme contre le désir, ça c'est une illusion. Notre liberté, elle passe par la connaissance de la nature et la connaissance de nous-mêmes, qui à la fois donc est une source de bonheur et en même temps une manière d'être plus libre.